La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Quel générique, waouh, pour ce 21e pilote. Eh oui. La vanne de Jocelyn, 21e pilote de l'émission La Matinale de 18h, présentée par Bibi, moi-même, et par James. Salut James, comment tu vas? Salut à Tristan, salut à tous, ça va? Ça va très bien, ouais. Tu vas avoir plein de personnages, je crois, dans cette émission, James. Oui. Et je sais que tu vas les assurer. Toute ma schizophrénie va pouvoir s'exprimer à son plein. Voilà. Jocelyn, comment tu vas, Jocelyn? Comment va la Tristan? Eh ben écoute, mieux que la sonnette de Fadjet. Mieux que quoi? Que la sonnette de Fadjet. Oh, qui est toute pétée. Qui ne fonctionne pas, c'est vrai. Voilà, si vous souhaitez rentrer dans les locaux de Fadjet, appelez et ne sonnez pas. Voilà, c'est tout qu'est-ce qu'on voulait vous c'est dire. C'est des petites astuces, c'est comme ça, c'est tu prends pas, au moins c'est dit. Voilà, tout à fait. Et sans plus tarder, nous allons passer au journal de cette matinale de 18h. Il est 18h35, le premier journal présenté par James et Jocelyn. On commence tout de suite avec James, avec les informations nationales et internationales. La Corée du Nord reconnaît avoir fait des essais de feux d'artifice. Effectivement, Tristan, Pyongyang s'est déclaré soulagé d'avoir enfin pu réussir ses essais grandeur nature de feux d'artifice. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que le ciel s'est illuminé de 1000 feux. De bon augure pour la Corée du Nord qui va pouvoir passer maintenant aux essais nucléaires de bombes atomiques. Pas certain cependant que les artificiers nord-coréens parviennent à reproduire le visage de Kim Jong-il comme ils l'ont fait dans le ciel ce jeudi. On reste toujours à l'international avec un boom sur l'Ukraine. Oui. Alors le drapeau de l'Ukraine est bleu sur le dessus, jaune sur le dessous. Il faut savoir aussi que Ukraine est un mot qui compte 7 lettres et qui fait partie de ces rares pays qui commencent par la lettre U. Boris Johnson aurait été vu en train de respecter les gestes barrières. Oui, c'est un tabloïd anglais qui publie cette photo hallucinante où l'on voit le Premier ministre anglais sortir du 10 Downing Street en mettant son coude devant la bouche pour éternuer. De son côté, l'intéressé assure qu'il était plutôt en train de compléter un bras d'honneur envers les paparazzi au moment où la photo a été prise. Chacun sera juge de cette posture. Je vous la laisse regarder, Tristan. Ah, voilà, je ne sais pas si... là, on voit ici, effectivement... Pour moi, c'est un bras d'honneur. En tout voilà. Oui, chacun se fera son idée. On est d'accord. Merci, James, pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Non, ce journal ne fait pas peur. En direct avec Jocelyn, une chercheuse lorraine décroche une bourse européenne de 1,5 million d'euros pour son projet topinambour. En effet, un avenir se crée pour cette jeune chercheuse qui a passé plus de 4 ans en terre pour prouver que l'être humain partage 72% de son patrimoine génétique avec le topinambour. On imagine déjà les grèves possibles. Tout de suite, le Nancy avec le pont de la Web remplacé par un acrobranche. C'est ce qu'ont décidé les élus ce matin. Un budget de 300 000 euros a été débloqué pour réaliser un parc contenant 8 parcours, dont 3 noirs. Cette nouveauté créera environ 15 emplois. Et enfin, la Plastane va être renommée. Et oui, cela fait jaser les Nancéens, Nancéennes. La place Stanislas deviendra en août prochain la place du doigt pointé. Ce changement serait dû à l'usure de la statue devenant méconnaissable. Merci Jocelyn pour ce point information. On se retrouve à 18h30 pour le prochain Flash Info. Et bien tout sûr. De suite, on passe à la météo. Et oui. La météo. Nous redécouvrirons le soleil à travers un double vitrage aujourd'hui, plus que nécessaire car ils ont prévu 10 degrés en effet à l'extérieur. Une brise pourra faire heurter vos volets contre le mur de votre bâtisse. N'hésitez pas donc à utiliser les goupillettes fournies à cet effet. Pour éviter tout meurtre, veuillez fermer également les baies vitrées et éviter d'aérer en pleine nuit. Merci beaucoup. Mais merci de rien. Beaucoup. Et pour les prochains jours, on annonce quoi? On annonce la météo. La météo, et c'est ça qui est bien. Mais ça avait pas été fait par Tristan ? Les prochains jours ? Ah si. Les prochains jours, la météo des prochains jours. Ah, j'annonce maintenant, la météo des prochains jours. Oui. Merci. Voilà, tout de suite, la Mano Negra. Et après la Mano Negra, qu'est-ce qui s'est passé un 7 mars ? Ça, c'est l'éphéméride présentée par... À tout de suite. King Kong 5, Mano Negra. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. L'éphéméride, on est aujourd'hui, Tristan, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas sans le savoir, on est un 7 mars. Et saviez-vous, Tristan et Jocelyn, que deux monstres de la chanson française sont presque nés un 7 mars, puisqu'ils sont nés tous les deux le 31 janvier. Il s'agit de Kinvé et Camaro. C'est fou ça. Kinvé et Camaro. Hein, ils s'entendent très bien tous les deux. Ils s'entendent très bien. On peut écouter un morceau de Camaro chanté par Jocelyn. Oh, c'est Kinvé. Non, je rigole, c'est Camaro. Voilà, excellent, super. Waouh, wow. Ouais, c'est incroyable. Beaucoup d'entraînement. Le 7 mars aussi, les décès du 7 mars, hein, parce qu'on a fait les naissances, les décès. En 322, Aristote est mort un 7 mars. C'est vrai ? D'accord, oui, oui. D'accord. C'est le tout premier homme, d'ailleurs, à mourir un 7 mars hein, dans l'histoire de l'humanité. On revit sa chute en direct. Voilà. Ouais, il est tombé effectivement de suite de sa mort. Et donc juste pour un point, un petit peu de point de culture, il est auteur des traités protreptiques, Éthique à Nicomaque ou encore l'énormissime Tyrolie Pimpon sur le Chihuahua. En 99, Stanley Kubrick aussi est mort, hein, 7 mars. Scénariste de génie, on lui doit aussi l'invention du très célèbre casse-tête, le Kubrick's Cube. Et puis, nous fêtons aujourd'hui les félicités. Les félicités, voilà, bonne fête à toutes les félicités, et puis le dicton, hein, oui. Saint félicité. Ah oui. Voilà. Effectivement, oui, c'est... Et d'ailleurs, je crois qu'on a une félicité à l'antenne. Voilà. Oui, elle avait beaucoup de choses à dire. Hein, effectivement. En tout cas, on lui souhaite une Saint félicité. Voilà. Bravo à elle. Merci à toi, James. Oh, pas de rien, c'est beaucoup de travail. À moins que tu avais encore d'autres informations sur ce qui s'est passé. Écoutez, je regarde le dos de ma fiche et je vois qu'elle est blanche. Par conséquent, j'ai terminé. Très bien, merci beaucoup. Et tu gardes la main parce que tu vas revenir, James, avec l'horoscope. Mais ça, c'est avant. Oh, on l'a pas, si. Non, pourquoi on l'a pas ? Oh, il marche pas. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas ? Un bruit. Un bruit. C'est pas grave, je vais mettre un autre bruit. J'aime, c'est faire des bruits. Alors. À tout de suite, c'est Dua Lipa et Angèle. Ah, j'adore. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Et Angèle. Non, c'est pas ça, c'est pas le son là. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Il est 18h34, c'est l'horoscope présenté par Zébulon. Bonjour Tristan, bonjour à tous, bonjour les enfants qui nous écoutent. Ah, il n'y a pas grand monde alors. Alors, je suis ici avec le gros poisson du 7 ouais. mars. Bonjour poisson. Bonjour Zébulon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous dire pour les gens qui sont nés le 7 mars et qui sont poissons comme toi ? Ah bah aujourd'hui, c'est que des bonnes choses. Des paillettes vont tomber du ciel pour pouvoir vous régaler toute la journée. Mais dis donc, poisson, toi tu vis sous l'eau, pourquoi est-ce que tu t'en moques des paillettes ? Bah parce que poisson, il vit sous l'eau, d'accord, mais il vit sous l'eau à la télé aussi. Oh là là là là ! Et professionnellement, est-ce que des gens vont perdre leur travail aujourd'hui, poisson ? Uniquement les vierges. Oh, tu n'aimes pas les vierges, poisson ? Ça alors ? Oh ! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mais poisson, non, tu as du mal à respirer? J'avais avalé une bulle d'air de trop. Oh, non, bah. Les vierges perdront leur boulot aujourd'hui. Et tu sais pourquoi, Zébulon? Non, je ne sais pas. Parce que l'astre étoile de mer est mal situé. Oh, ça alors, qu'est-ce qu'on apprend avec l'astrologie sur Fadjet? Après, vrai, si je dois résumer, mon Zébulon, les cancers iront bien, les lions, ils seront face au soleil toute la journée, les capricornes, je sais pas. Et les béliers, normalement, tout ira bien également pour eux. Sauf pour les vierges, la merci pauvre. Merci beaucoup pour cet horoscope. J'ai adoré l'accent africain de... Un peu jamaïcain aussi. Oui, là. Un peu jamaïcain de notre poisson. C'est... On est vraiment sur un poisson jaune-rouge, je pense. Je suis de vents et marées. Voilà, merci. J'espère que vous serez reconnu dans votre signe et que vous aurez su adapter votre journée par rapport à ces conseils revendiqués par Zébulon. Et oui. Au revoir à tous, au revoir les enfants, au revoir, au revoir les loulous. On se retrouve tout de suite après Bruno Mars avec l'invité politique. L'invité politique d'aujourd'hui, c'est le maire de Brémont-Courisson qui a vendu son parrainage. On l'écoute tout de suite après Bruno Mars. C'était Bruno Mars, 24K Magic. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Bonjour monsieur Guimel, vous êtes maire d'une petite ville de Brémont-Courisson, attendez que je finisse de parler, et vous auriez vendu s'il vous plaît votre parrainage pour les politiques 2022, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Sur l'affaire qui vous concerne, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots, un petit peu expliquer le pourquoi du comment, comment êtes-vous l'aboutissant un petit peu de votre... Vous avez très bien résumé la situation, j'ai vendu mon parrainage. Je l'ai vendu sur internet et voilà, il m'a été acheté et désormais je suis le parrain d'un candidat de la présidence 2022. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que Brémont-Courisson est au sud de Nancy, ce qui peut expliquer d'ailleurs votre accent, je pense. Hein. Ah absolument, absolument. Oui. Je n'ai jamais quitté Brémont-Courisson et j'y suis toute ma vie, j'y ai vécu. Je suis vraiment de là-bas. Mais monsieur Kimmel... Combien avez-vous touché pour vendre une signature, vendre un parrainage? Dites-nous les frais, dites-nous ça, les chiffres. Ça, je ne peux pas vous le dire avec des mots, avec des chiffres, ça c'est sûr. On les a. Donc je ne vais pas vous dire les chiffres, je vais simplement vous dire que j'ai une nouvelle véranda chez moi. C'est vrai, je vais vous le dire. Et ça fait plaisir. Ah ben ça fait très plaisir, ma femme peut faire, elle peut faire du bronzage topless, mais pas par ces temps-là. Hein. Trop précis, monsieur. Combien de citoyens avez-vous dans le sein de votre commune de Brémont-Courissant ? Alors, c'est une ville dans la ville, puisqu'on est très près de Nancy, dans le sud de Nancy, et on a à peu près 7 millions de circonscripteurs. 7 millions de circonscripteurs qui vont voter pour vous, vous pensez, sur les prochaines élections de maire ? Ah mais bien sûr, de toute façon, moi j'ai le soutien de ma commune, de la communauté de communes, de la préfecture et même du président de la République qui m'a appelé pour me féliciter pour ma véranda. Ok, bah formidable. Et vous savez un petit peu, la personne que vous avez parrainée, vous avez eu des informations, qui est le nom en fait derrière la signature ? Alors, de ce que je sais, c'est un candidat qui n'a pas obtenu les 500 parrainages. Oh. Il m'a demandé un remboursement et j'ai dit c'est trop tard, et la véranda elle est posée, hein. Je peux plus la rembourser. C'est terminé. Alors tant pis pour lui, c'était un candidat de parti animaliste ou je ne sais pas quoi. Et qui était d'ailleurs, je crois, l'égérie d'une publicité de véranda. Oui, alors oui, ça c'est l'ironie du sort. Hein. Attends, vous êtes en train de me dire que vous avez eu un prix ? Vous avez vendu votre signature, plus vous avez eu un tarif sur votre véranda, tout ça sous le biais de votre statut politique, c'est ça que vous êtes en train de me dire, monsieur ? Ah, il n'y a pas que le statut politique, hein. J'ai aussi la ganache, j'ai aussi le sourire. Mais votre quotidien, c'est des avantages en nature, finalement. Comment ? Votre quotidien, ce sont des avantages en nature. Ah bah oui, il y a beaucoup d'avantages en nature, je vais au restaurant, je vais... Bon, quel diplôme pour être maire ? Ah bah personnellement j'ai juste le diplôme du meilleur papa. C'est ma fille qui me l'a offert pour mes 5 ans. Très, très bien. Je vois vous porter un t-shirt d'ailleurs. T-shirt de ma fille. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui aimeraient s'orienter vers la politique ? Eh bien alors moi je donne toujours les conseils suivants. Oui. Il faut être 1, il faut être soi-même. 2, il faut avoir toujours quelque chose à rénover chez soi. Ah, parce que si j'avais terminé les travaux dans ma maison, ben j'aurais plus rien à faire en politique. On est d'accord. On est d'accord. Très bien. Merci pour ces deux points. Merci à vous. Merci, Guimel. Le café est offert ici ou... Oui. Je ne sais pas si... Oui, je peux aller me servir. Sucre, le sucre, non, mais le café, merci. Bien sûr. Alors, je vais prendre mes cafés. Bien sûr. À tout à l'heure. Vous en voulez un, peut-être ? Non, c'est merci, bon. Monsieur Brumel. Vous êtes encore à l'antenne. On se retrouve tout de suite pour le journal, la deuxième édition du journal. Mais avant, c'est Dr. Dre. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.A. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Great day, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics.

À noter que la version initiale de cette campagne, intitulée « Les dieux du gouvernement » et représentant Jean Castex et Olivier Véran notamment en petite tenue, a été un échec quant à elle. En Afghanistan, les talibans se mettent à l'écologie. La révolution verte est en marche à Kaboul. C'est en tout cas le souhait du leader des talibans, le mollah Hibatullah Akhundzada. Oui. Il a donné une interview au journal Le Times dans lequel il a dit, je cite, « Nouridou an Najala Kaboul Makril Altakrat Almuta Jadida ». Il aurait ajouté ensuite « Sanara Lenyata Atka Badou ». Puis de conclure son interview en disant « Laylaton Saïdidaton. Laylaton Saïdidaton. Évidemment, ses propos ne regardent que lui et je m'abstiendrai de tout commentaire. Et enfin, on termine avec un point sur les cas de gastro dans le monde. Oui, elle avait perdu son statut de star des épidémies. La voilà qui revient après près de 2 ans d'absence, après une tournée dans l'hémisphère sud. La gastro revient en France avec plus d'un million de cas. Une véritable délivrance pour tous ses fans, tous les fans de cette maladie qui vont enfin pouvoir la retrouver cette année. Et qui vont, je n'en doute pas, jouir de sa présence. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Avec Jocelyn, le prochain Avenger sera tourné rue Saint-Nicolas à Nancy. En effet, Iron Man aurait été aperçu se reposant au bar de la rue. Gal Gadot, l'actrice de Wonder Woman, ne serait pas dans le casting de cet Avenger. L'hiver lorrain l'aurait découragé. Un EHPAD devrait voir le jour à la place du zoo de la Pépinière. Moins bruyant que les singes et les paons, Nancy évolue. C'est tout un chemin entre des chambres vitrées que vous pourrez retrouver dans la verdure. Famille à la place du zoo, c'est le nouveau slogan du syndicat de la Pépinière. Et enfin, un restaurant dédié aux frères Bogdanov va ouvrir à Nancy. Exactement, Tristan. Oui, inspiré de leur univers, les serveuses vous fourniront un surmenton et une fausse thèse en guise de menu. Venez redécouvrir les spécialités de la ville de Menton à Nancy. Et le fameux dessert. Le dessert du restaurant, je crois. Le fameux que dessert du restaurant, je l'ai goûté, c'est le Kougloff. Le fameux Kougloff au double menton. Au double menton plus chanterelle. Merci beaucoup, James et Jocelyn, pour ce flash info. On passe tout de suite à la météo. La météo. Jocelyn, on t'écoute pour la météo. Oui, bien sûr, excusez-moi, j'étais en train de vérifier le ciel environnant. En effet, du bleu sur du bleu avec un petit peu de grisaille dans l'hémisphère sud. Mais aujourd'hui, à Nancy, nous retrouverons nuages et éparses puisque la météo sera du changeant au changement. J'adore vos liaisons. Nuages et éparses. Eh oui. C'est un alexandrin, je crois. Hein. C'est un alexandrin. Si on rajoute quelques S, oui. En tout cas, si je devais résumer cette météo aujourd'hui, on est toujours en hiver, mais on passe de plus en plus vers le printemps. Mais ne sortons pas sans un bon parapluie. Oh, bravo. Tout de suite, sans transition, on va enchaîner sur les grosses fesses, l'émission phare de la matinale de 18h après Shamas Gohan. Ça c'est fort. The Queen, à tout de suite. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my Show must go on. La matinale de 18h, l'émission qui est bujon. Et bienvenue sur les grosses fesses, l'émission phare, on vous l'a dit tout à l'heure, de cette matinale de 18h avec autour de la table des invités prestigieux, jeune homme Serge Boyer. Salut Serge. Salut Tristan, salut à tous. Salut, Boyer, grand plaisir d'être là. Qui est notre chroniqueur et intervieweur de Star. Ouais, je chauffe la place pour tout à l'heure là Tristan. On te retrouve tout à l'heure effectivement, on n'en dit pas plus, avec notre invité Showbiz à voir tout à l'heure. Ouais. Et puis, si on devait le présenter encore, Bernard Mondon. Eh oui, c'est moi Bernard Mondon. Bonjour à tous et à toutes. Bernard, qui est le sosie officiel de Freddie Mercury, sauf dans la voix, c'est ça. Eh oui, hein, c'est exactement ce que je suis. Je suis la copie conforme de Freddie Mercury, sauf dans la voix. C'est pour ça qu'il y a une astérisque à chaque fois. Une actualité peut-être ces temps-ci pour vous, Bernard. Bien sûr, je monterai sur scène au Clou et le Bec le lundi 3 novembre 2023. Et pour y faire Une parution, juste. Une parution. Oui. Et c'est ça qui est phénoménal. Eh Tristan, je me permets aussi, on peut saluer Manu qui est à la flûte Manu, quand même. Manu, c'est Manu qui fait la flûte. Manu la flûte. Ouais, voilà. Il fait la flûte quand même du générique. Hein, il est en voilà. Merci beaucoup. Que seraient les grosses fesses sans Manu? Je ne sais pas. Ça, c'est... Voilà. Mais tout de suite, nous allons passer à notre première question d'actualité. Qui a dit, plutôt, tout arrive à qui sait tondre? Ah, c'est dommage parce que t'as commencé en disant pourquoi, et moi je savais pourquoi. Ah, je sais pourquoi il l'a dit, mais je ne sais pas qui l'a dit. C'est quand même incroyable. Tout arrive à qui sait tondre. Et c'est tellement d'actualité. C'est le barbier de Séville. Et oui, c'est le barbier de Séville. Alors là, c'est très fort. Mais qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? La tondeuse, je me suis dit, moi je fais sabot 6, sabot. Ouais, donc c'est le barbier de Séville. Le barbier de Séville, et pourquoi on en parle ces temps-ci? Parce que c'est les 200 ans de la mort de Molière, Tristan. Tout à fait. Les 200 ans de la mort de Molière, qui est l'auteur du Barbier de Séville. Et Molière, et on le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Hein. Je crois qu'il est mort. Je crois que Molière ah bah oui, est mort. Ça fait 200 ans. Je crois d'ailleurs. Qu'il est mort. Ouais, ouais. Ou sinon, ça serait vraiment un record absolu de longévité, mais je crois qu'il est mort. C'est vrai. Et effectivement, Molière était le client fidèle du barbier de Séville. D'où ma petite taquinerie de ressortir. Et c'est pour ça qu'on t'aime. C'est parce que t'as toujours les. Voilà. On se fait voilà. En tout cas, il est fort. Hein. Il est fort. Attention. J'ai pas tassé le dos. Ça, c'est... Comme je suis fort. C'est nanar, il est fort. Avec. Thomas Scott. Oui, oui. Pourquoi parle-t-on toujours depuis hier de Patrick Topalov? Alors là, Manu peut-être non, une idée? Non, Manu, notre stagiaire. Ah non, Manu n'a pas de trace. Il n'y est pas, mais je pense que ça. Est-ce que ça a un rapport parce que Topalov, je pense tout à l'heure, on a parlé Topinambour. Ah. Et on a parlé des Bogdanov. Oh, il maîtrise son sujet. Donc, est-ce que c'est pas un lien avec en fait ce fameux restaurant des frères Bogdanov qui sert un plat de Topinambour? On est totalement dedans. Hein, c'est bien ce que je me disais. Hein, ouais. J'avais entendu un truc là-dessus. Oui, c'est la nouvelle carte du restaurant des frères Bogdanov qui vient d'ouvrir à Nancy et qui a mis à sa carte en dessert. C'est pour ça que je t'étillais tout à l'heure avec mais le dessert. Mais j'avais cru comprendre. Voilà, du fameux île flottante Patrick Topalov. Et alors que l'autre chroniqueur avait dit Kouglof. Ah, ils ont tombé. Et si je peux me permettre, elle est excellente. Elle est excellente. Ah, vous l'avez écouté ? Oui, en fait, il y a un vendu. Alors, pour être... je vous dis, petite... voilà, j'y suis allé. Effectivement. Il s'est régalé. Et il y a un petit gazpacho de morille à la vanille avec. Incroyable. Oh, c'est juste incroyable. Et ça, c'est du Bogda tout craché, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, c'est clairement. Une petite dernière. Serez-vous terminé cette phrase? À Kiki... Ah. À Kiki quoi? À qui doit-on attendre? C'est ma proposition de Manu. Alors malheureusement, c'est pas ça du tout. Ah là là, c'était une bonne tentative pourtant. C'était la semaine dernière, c'est vrai. C'est marrant quand même. À une semaine près, t'avais juste. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? C'est oui. ça. Oui. Oh. Et pourquoi? À qui le dites-vous? Parce que je vous réponds. À qui le dites-vous? C'est vrai, mais alors c'était ah oui si, si si c'est oui. C'est dans un c'est la célèbre phrase de Mitterrand dans le débat présidentiel d'entre-deux-tours de 73 à Giscard d'Estaing en 74 il lui a demandé à qui le dites-vous voilà et ça lui avait cloué le bec à l'époque c'est ça voilà car il était bec. Je m'y connais pas en politique pourtant Tristan hein. C'est et pas ma spécialité on hein. est à exactement 46 jours 3 mois et 46 ans. C'est vrai qu'en fait, effectivement, les 46 comme ans quoi, et 46 jours. Le hasard jours, fait bien les choses. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. On est déjà à la fin de cette émission. C'est passé tellement vite, Tristan. Ah, mais quand on s'amuse, c'est impressionnant. Est-ce qu'on va réécouter la flûte un petit peu, Tristan? La flûte, oui. Je demande à Manu. Je sais pas si Manu. Oui. Ah, il prend son souffle. Ah, il avait posé sa flûte, malheureusement. Oui, de la remettre au bec. Il l'a remis. Et Manu, quel organe. Ah ouais, il faut du poumon. Hein. Voilà. Et on s'arrêtera sur cette musique-là de Manu. Merci Manu d'avoir été avec nous pour ce pilote. Serge Boyer, vous gardez la main. Oui, je garde la main. Là, il y a notre invité showbiz qui va débarquer. On n'en dit pas plus, évidemment. Les auditeurs ont hâte de savoir. Et moi, j'ai hâte de le voir. Il n'est pas encore arrivé. Là, il est en bas, je vous rassure. Tout à fait. Il vient d'arriver dans sa limousine. Et alors, je vais essayer à nouveau d'écouter ACDC. Ça marche ce coup-ci. On s'écoute ACDC, Hell's Bells. Et on laissera la place à l'invité. Show business, Tristan, ouais. Avec Serge, à tout de suite. Il est show business. We'll be right back. AC/DC, Hell's Bells. La matinale de 18h. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. L'invité showbiz, mais avant l'invité showbiz, on retrouve Serge Fula. Serge Fula qui est encore à rechercher les bonnes astuces. Oui, alors Tristan, bon, je suis toujours sur ma station essence là. Toujours Ouais. Alors, non, mais parce que là, voilà, j'ai décidé que j'allais faire un petit micro-trottoir pouravoir un peu le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Vraiment, voilà, je suis à côté d'un... S'il vous plaît. Bonjour. Alors, c'est Fadjet, hein, radio internationale. Fadjet, toi. Ouais. Je voudrais savoir, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du prix de l'essence? Ah, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Moi, deux euros le litre demain. Et demain, c'est 3 euros. Et quoi? Et après-demain? Non, mais voilà. Okay. Vous voyez, Tristan, c'est vraiment la population est consternée. Hein, oui, les gens ont l'air d'être heureux. Et dans 8 jours. Et dans 8 jours. Oui, c'est okay. Quoi ouais, ah, voilà. Okay, regardez. Très bien. Ah, oui. Merci. Laissez-moi, monsieur. Merci. On repasse tout de suite sur le plateau. S'il vous plaît. Je n'ai pas d'argent. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Excusez-moi, pour Serge Fula, on repasse tout de suite et on garde la main avec Serge Boyer. Serge, depuis tout à l'heure, ça va bien? Ouais, ça va Tristan, ça Alors, va Tristan. Cet invité. Ouais. Alors, bon, super, hein, sur Fadjet, il est 18h41. Ouais. Je vais pas vous mentir, hein, Tristan, on est en direct. L'invité, il est pas là, en fait. Il a un petit peu des problèmes, là. Il s'est, en fait, pour être tout honnête avec vous, il est tombé dans l'escalier. Ah. Voilà. Ça, c'est la version officielle. Je crois que quand il a entendu que c'était à Fadjet, il n'a pas voulu venir. Je crois que c'est ça. Ouais, en fait, le fait que la sonnerie ne marche pas, je crois qu'il a fait demi-tour, malheureusement. Mmh. Alors bon, show must go on, j'ai envie de dire. Et là, me reconnais. Voilà, moi, c'est il était là, vous le reconnaissez, il était là, c'est le sosie de Freddie Mercury. Merci. Merci d'être là. Eh ben, ça me fait plaisir. Bah, après, on m'a invité, donc moi je suis là. Ça me fait plaisir. Alors, c'est vrai que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais alors c'est la ressemblance est vraiment incroyable. Bah, merci. Bah, c'est Freddy le dit lui-même. Freddy is Freddy, quoi. Ouais, c'est moi, les questions qui me viennent tout de suite là, c'est est-ce que c'est quelque chose que t'as travaillé de ton côté ou alors t'es né comme ça, t'es né avec la moustache, t'es né avec le swag? En fait, on est vraiment sur un travail perpétuel du quotidien et je bosse avec mes managers et mes stagiaires la voix excuse-moi je te coupe là, c'est l'invité de base, hein, c'était le grand rappeur le sosie du Dr Dre. Je crois qu'il a fait demi-tour et il revient, en fait il est en bas. Ah, excuse-moi, tu peux meubler, je vais juste aller l'accueillir deux secondes, d'accord? Oui, merci. Show must go on, comme on dit. Alors, moi, c'est Gérard Mandon. Vous pouvez me retrouver le 3 novembre 2023 au Clou et au Bec, place à Raymond Poincaré au niveau de du trottoir de gauche. Ah, excuse-moi, mais en fait, fausse alerte. Il a de nouveau fait demi-tour. Mais c'est pas grave, on est vraiment content d'être avec toi, Nanar. J'ai cru comprendre que t'étais au Clou et au Bec. Ouais, c'est ça. Donc, Aïcha. Aïcha, il y aura Aïcha, hein, qu'on salue, hein, qui Aïcha, nous écoute, qui est une grande auditrice, qui est la tenancière de, voilà, excellent, la tenancière du Clou et du Bec. Et qu'est-ce que c'est après l'avenir pour toi, en termes de, voilà, Freddie Mercury? Est-ce que tu as peut-être changé, peut-être passé, en fait, sur le sosie de Bruno Mars, D'abord exclusivement sur cette interview pour me faire connaître et peut-être vous décrocher quelques rendez-vous, des anniversaires, des bar mitzvahs. Bah, et peut-être une émission sur Fadjet, hein, pourquoi pas, voilà. le sosie l'appel est lancé, officiel de Freddie Mercury. Ouais, l'appel est lancé, c'est super sympa en tout cas. Bah écoute, merci. Mais merci à merci toi. Finalement, Serge. C'était peut-être une bien meilleure interview qu'on aurait fait avec l'autre là, parce que finalement. Comme quoi, ouais, il est à Merloc, comme on dit, ouais. Allez, je te remercie. Merci beaucoup, Nanar. On te verra au Clou et au Bec. Merci et puis voilà, merci. Allez, plein Tristan. De plein de moi aussi, choses. Je vais y aller. Hein. Désolé ouais, pour ces petits. Bah, c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie merci, de dire. Merci. Et j'enchaîne directement avec la dernière partie de cette émission, puisque nous allons le fameux jeu de l'auditeur. Mais avant le jeu de l'auditeur, le dernier tube qui est lancé par Bruitage et qui a enregistré Caisse de supermarché. À tout à l'heure. Donc oui, on fait. C'était Caisse supermarché de Bruitage. Et c'était bien. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Vous l'attendez tous, c'est le cabas de Fadjet, le cabas à gagner. Nous allons tout de suite appeler un auditeur en espérant qu'il ait la composition intégrale de tout ce qu'il y a dans le cabas Fadjet. Je profite que Bernard Mondon est encore dans les studios pour que je lui demande un chiffre entre 1 et 2. Ça sera le 2. Ça sera le 2. Eh bien, écoutez, on va tout de suite s'appeler. Alors, c'est Monsieur Paloff. Monsieur Paloff, et ça va sonner. Ah, il faudrait que je mette un bruitage de sonnerie. Je pense que je l'ai pas loin. Si vous avez 2 secondes, vieux téléphone. Bim. Ah, c'est la 2e sonnerie. Et la 3. Ah oui, ça décroche. Ça oui. Décroche. Oui, allô. Oui. Allô. Monsieur Paloff. Non, alors c'est son voisin, je suis Monsieur Fula. Ah, Monsieur Fula, vous oui. êtes... Non, oui. non, pas Monsieur Fula de Fadjet. Ah, vous êtes... Ah, c'est Tristan. Oh, ah, non. Bah alors ça, alors pour, la... alors pour une fois que c'est moi, sur quoi que ça tombe... Ah, c'est le cabas. Ok, alors on va... Ah, c'est on génial va, on va quand même faire le cabas. Ah, alors là, c'est vrai, vous vous rendez compte, la chance, incroyable. C'est triché ça, Monsieur mais... Fula. Serge... Non, mais j'ai mis... Ah si, j'avais mis souvent mon numéro dans la petite tirelire, là, où vous mettez tous les numéros, là. Je suis très content, en tout cas. Serge, savez-vous quelle est la composition du cabas Fadjet? Ah bah, bien sûr, je ne fais que ça, je n'écoute et je le prends en note. Alors, allons-y. Alors, il y a, dans le cabas de Fadjet, il y a une trottinette électrique. Oui, de la marque... Bose. Bose, effectivement. Il y a un... Comment on appelle ça? Un hot dog. Oui, effectivement, que l'on peut acheter... Il faut qu'on cite nos marques, hein, puisque c'est quand même eux qui nous font vivre. Ah oui, par la marque Jardin du Cœur. Jardin du Cœur, effectivement. Et il y a également le cabas de la semaine dernière. Donc dans le cabas de cette semaine, il y a le cabas de la semaine dernière. Qui est périmé. Voilà, exactement. Mais qui, pour lequel on vous l'offre quand même. Voilà, et oula, je n'arrive pas à me relire. Et un dernier truc. Je n'arrive pas à me relire. Ah oui, c'est normal, c'est parce que c'est une ordonnance d'un médecin. Et pour ça, j'arrive pas à lire. Oui, alors, il est bon. Ouais, ben oui. Voilà, ça me fait pas forcément plaisir que ce soit vous qui gagnez. Mais... Ah bah écoutez, moi je suis quand même très heureux parce que j'ai quand même bossé depuis 7h ce matin. J'ai quand même la... Voilà. Merci, la récompense de bravo, mes efforts. Bravo Serge. Alors, c'est marrant parce que c'est mon voisin, il m'avait demandé d'arroser ses plantes parce qu'il est parti à la Réunion pendant une semaine. D'accord, merci. Et en merci, fait, merci, non mais je vous explique parce qu'il est... Merci Serge, merci Serge. On passe tout de suite, ben on passe tout de suite à... À la fin de l'émission. Et oui. Merci Jocelyn, merci James. Merci Tristan, merci James. Pour ce 53e pilote de l'émission. On espère que c'est le bon, que ça vous aura convaincu. Oh, il était, à mon avis, régie, dans le top 50. La présidence de Fadjet, ah oui. Toutes les instances que l'on doit cirer pour accéder. Toutes les hiérarchies, accéder à la grille de Fadjet. La préfecture, fait. La préfecture. La voilà. Préf. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, bah, à dans 15 jours. Hein, hasta luego, comme on est. Pour la vraie première. Allez, ciao. Bisous. Ciao, bon dimanche.